votre ne sert à rien quand c'est le sel qui vous manque. J'y suis tes dents dans le king de Bruxelles. Sierra Leone, Yabidja, la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko et toi, le frère. Il n'y a que Chantal Olma, Vincent Gomez. La Légion d'honneur Hugo Golombé. Alain Gradet, Max Gradet. Yves Dembélé.